Ouais, ouais. Coma. Coma. Un. Ouais. Il y a de plus en place qui décoiffé dans les dents grasses. Très connexion. Un. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Y'a, yeah. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui rap, y'en a qui taf, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui rap, y'en a qui taf, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Rien à foutre et rien à faire. Tu connais la chanson, la façon de faire sa monnaie dans le trafic ou bien dans le son. On pourrait se laisser faire, mais discrètement nous avançons dans la mesure où tout va mal, normal que je foute le boxon. Sans baliser, réaliser la réalité des choses. Elle est pas rose, donc faudra du temps avant que ma tête se repose. J'y pense, dimanche, j'ai rencontré un pote. M'a annoncé la mort d'un autre en bécane à brûler un stop. Voilà ce que j'ai, le cœur chargé, 25 ans âgé. Là j'ai pas le temps, je veux dégager, donc j'ai plus de temps à gâcher. Agacé, je le suis, c'est sûr, je suis pas bien dans mes chaussures. La vie est dure, entouré d'ordures, on ne trouve pas d'ouverture. Et c'est sûr, faut laisser le temps faire son boulot. Mais le temps presse et le stress monte encore de quelques niveaux. D'un quartier à l'autre, des anciens potes deviennent des rivaux. Ça sort le pompe et ça tire, en gros ça équivaut à se niquer entre nous, tout se joue sur un coup de poker. Atmosphère austère et angoissante, faut se taire ou alors se défendre. Rassurer comme beaucoup le prétendent, va montrer que t'es un tendre. Et à citer l'ombre, tu seras une légende. Pas montrer que t'es un tendre, et à citer l'ombre, tu seras une légende. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui rap, y'en a qui taf, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui taf, y'en a qui rap, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Chacun son parcours, les destinées s'entrecroisent. On pense contrôler sa vie, mais c'est elle qui nous apprivoise. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ce qui va t'arriver. Toujours les mêmes histoires le soir, les mêmes plans périmés. Acquise ou innée, la violence dont nous faisons preuve ne nous profite pas, donc partiront ceux qui le peuvent. L'argent est un facteur déterminant si tu veux t'en tirer sur ce terrain miné. En avoir, c'est pas mal terminé. La vie, c'est pas du ciné, devinez qui se fait calciner. Toujours les mêmes qui prennent dans leur face depuis la naissance le sens. Du vent tournera un jour en notre faveur. La vie sous d'autres aspects, nouveaux goûts. Nouvelle saveur. Pour l'instant, on est là, on attend comme tout le monde. Est-ce ma faute à moi si tout ce beau monde se dévergonde, de tonnerre gronde. Les gens se trompent car ce n'est pas un orage. C'est la rage qu'on a dans ce combat qui marquera les visages. C'est la rage qu'on a dans ce combat qui marquera les visages. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui taf, y'en a qui rap, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Y'en a qui deal, y'en a qui vole, y'en a qui nique tout à l'école. Y'en a qui taf, y'en a qui rap, y'en a qui tape ou qui racole. Sur le champ de bataille de la vie, y'a un tas de gens qui sont partis. On paye le prix de nos erreurs, le choix de ses amis. Ouais, ouais, secret de connexion. Comment ah. Ouais, body. Ça, c'est ici.